Unité 2. Rythme de vie. Leçon 3. Ouverture. Sondage. Les activités quotidiennes des Français. Activité 1, page 38. Observez les illustrations, puis écoutez l'enregistrement. Bonjour, comment tu t'appelles ? Laurent. Quel âge tu as ? 12 ans. Je peux te poser quelques questions sur une de tes journées d'école ? Oui. À quelle heure tu te lèves le matin ? À 7h30. Tu déjeunes d'abord ou ? Oui, je prends mon petit déjeuner, ensuite je me lave, je m'habille et je pars à l'école. Et après l'école, qu'est-ce que tu fais ? Je fais du foot ou du roller avec mes copains et après je rentre chez moi, je goûte et je fais mes devoirs. Chez toi, tu aides ta mère ? Oui, je mets la table. Dernière question, tu préfères l'école ou les vacances ? Les vacances.